es une fleur, moi je suis l'abeille qui de près t'effleure et qui te surveille. Que je te taquine et que j'examine ta bouche mutine et tes mains si fines. Que je te lutine, que je te butine, moi petit lutin, je fais mon butin. Du miel de tes mains, de ton air mutin, du nectar précieux, de l'eau de tes yeux. Que je te lutine, que je te butine, moi petit lutin, je fais un festin. Un vivant repas de tes beaux appâts, de l'eau que je cueille au coin de ton œil. Insecte piqueur, je pique ton cœur, et puis je picore les grains de ton corps. Que je te lutine, que je te butine, tant que je bourdonne et que tu te donnes.